mixtape RAP. CCIA, écoute ya. J'dévoile au grand jour ce qui me hante ces temps-ci. Bah ouais, c'est comme ça. J'dévoile au grand jour ce qui me hante ces temps-ci. Trop de tension et moi j'ai faim de traumatiser les esprits. Est-il possible que chacun trouve sa paix au fond de soi face à autrui? J'insiste, le mal serait-il 100 fois plus fort que le bien? Demain gagnant en horrible le terrain sur notre belle planète. J'établis et fais face avec un plan net. J'essaie de faire mon mieux, mais j'avoue que ça devient chiant même. À l'heure où j'accepte toujours pas de perdre, le temps nous guette, devenir un jour père sans me taire, et ça jusqu'au cimetière. Si mère à la vie, les TH ma gueule. Regarde l'ampleur de nos textes, loin des ampères. On fait notre peur sans tomber par-dessus bord. On s'ouvre nous-mêmes à n'importe quelle porte. Un monde si riche et si pauvre à la fois, si triste et si beau qui déçoit. Un monde sombre où l'argent est roi. Sans jouer savant, j'avance et dénonce les mauvaises choses que je vois. Un seul regard et on ressent les douleurs, les joies. On finit par devenir éphémère, même perdu, merde, sur cette sphère. Et pourtant man, faut qu'on espère. Et pourtant man, faut qu'on espère.